l'impossible. Qui me rendra ces jours où la vie a des ailes et vole, vole ainsi que l'alouette aux cieux, lorsque tant de clarté passe devant ses yeux, qu'elle tombe éblouie au fond des fleurs, de celles qui parfument son nid, son âme, son sommeil, illustre son plumage ardé par le soleil. Ciel, un de ces fils d'or pour ourdir ma journée, un débris de ce prisme aux brillantes couleurs, au fond de ces beaux jours et de ces belles fleurs, un rêve, où je sois libre, enfant, à peine né, quand l'amour de ma mère était mon avenir, quand on ne mourait pas encore dans ma famille, quand tout vivait pour moi, vaine petite fille, quand vivre était le ciel, ou s'en ressouvenir. Mais j'aimais sans savoir ce que j'aimais, quand l'âme me palpitait heureuse, et de quoi je ne sais, quand toute la nature était parfum et flamme, quand mes deux bras s'ouvraient devant ces jours passés.